Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous vous apprêtez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque, faut-il le rappeler? Bah oui, il faut de le rappeler justement. C'est A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Je décline d'autant plus volontiers les cinq lettres d'attaque d'aujourd'hui qu'elle n'était pas décline de la même façon au tout début de la création de notre association. On va y revenir. Parce que aujourd'hui, nous allons parler des tout débuts d'Attaque. De fait, on ne pouvait pas rater ça à Angle d'Attaque, puisque ce mois-ci, Attaque fête ses 20 ans, et c'est pas rien. D'autant que depuis 20 ans, les gouvernements successifs, avec une constance remarquable, se sont relayés pour nous donner du boulot à nous, les militants. Voyez comme on bien fait bien les choses. Nous avons demandé pour ça à quatre militants de témoigner de leur intérêt pour l'association et pourquoi ils y sont venus. Je les cite par ordre d'ancienneté dans l'association. Rien qu'au prénom, vous pouvez déjà vous faire une idée des générations. Donc, bonjour Francine. Bonjour Christian. Voilà, bonjour André. Bonjour Christian. Et devinez pour qui, quelle génération ensuite, c'est bonjour Quentin. Et bonjour Benjamin d'abord, dans l'ordre. Bonjour Benjamin et bonjour Quentin. Bonjour. Je n'oublie pas de signaler que Florent réalise l'émission que René Lascience et Christian vont animer. En l'absence regrettée de Louis, que nous saluons au passage, et même de Ludovic qui a dû au milieu de la nuit me prévenir qu'il ne pouvait pas venir ce matin. Francine et André, on va commencer par vous, et c'est René Lascience qui va poser la première question. Eh bien oui, eh bien tout simplement, comment avez-vous eu connaissance de l'existence d'Attaque ? Francine. Alors, j'ai eu la connaissance d'Attaque en 98, vous voyez, c'est pas d'hier, j'étais à Paris pour l'AG d'Agir ici, pour les peuples lointains, qui ça a été repris par Oxfam, d'ailleurs maintenant, et Agir ici n'existe plus vraiment. Et il y a eu, à la fin de cet AG, une intervention, quelqu'un, je ne me souviens plus de la personne maintenant, qui a parlé de la création d'Attaque, A2TAC, donc, et qui a dit que c'était pour taxer les transactions financières pour l'aide aux citoyens. C'était dit comme ça à l'époque. En effet, voilà. Oui. Et donc, ils ont parlé de ce qu'ils envisageaient, de désarmer la finance, de lutter contre les inégalités sociales, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai réfléchi, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, j'adhère. Et j'ai adhéré dans la foulée. Alors, c'est à quelle époque tu disais ? 98. Oui, 98, c'est-à-dire c'est au mois de entre juin, puisque l'attaque était créée le 9 juin 98, oui. Et puis décembre, donc oui, c'est vraiment ça. Très très court. Alors, j'ai regardé, je me suis permis, puisqu'on a l'avantage d'être responsable à Attaque, René et moi, j'ai regardé que ton numéro d'adhérent est 6276. Ah oui, moi on m'avait dit 600 et quelques, tu vois, non. C'était dans les 6, ouais. Oui. Et effectivement, donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui a adhéré. Et André n'est pas loin, il va nous dire pourquoi il a adhéré à Attaque, André. André, tu as le numéro 8212. Mais j'ai entendu parler d'Attaque en 98 aussi. Moi, je venais d'être en retraite, je m'étais lancé dans un collectif informel qui s'appelle les collectifs contre l'AMI. un mi-accord multilatéral sur l'investissement. Moi qui sortais d'un service public, je trouvais aberrant qu'on donne la priorité au profit des multinationales plutôt qu'au service public, ainsi que j'ai commencé. Et puis, et dans ce collectif informel, donc, j'ai connu Marc Delpouve, qui est venu faire un peu de propagande pour ATTAC. Et ça, c'est que j'ai adhéré, j'ai commencé à militer ATTAC l'année suivante, en 99. D'accord. Et nos jeunes, alors, Benjamin? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Alors pour ma part, j'ai pris connaissance d'ATTAC en 2015 au travers de la coalition Climat 21. Donc la coalition Climat 21 qui était un regroupement d'associations, de différents acteurs qui militent pour la transition écologique, environnementale lors de la COP 21. Donc qui voulait créer ce rapport de force, et c'est par le biais de cette coalition Climat 21 que j'ai pris connaissance avec des militants d'ATTAC. D'accord, ça c'était... En 2015. Oui, alors elle existait nationalement et régionalement. C'est à l'initiative de Jean Gadret, on a régionalisé cette décision nationale. Quentin ? Moi, c'était à la suite de la crise de 2008-2009, où j'ai commencé à jouer les curieux sur le sujet, c'est de comprendre ce qui s'était passé et avoir une analyse critique de ce qui s'était passé. Et j'étais tombé sur pas mal d'écrits d'attaques à l'époque. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert l'association, et puis ça restait un peu dans mes références pendant un temps, sans forcément que je m'engage à ce moment-là. D'accord, et tu t'es engagé finalement en 2017. En 2017. Enfin, toute fin 2017. Welcome donc. René. Oui, donc là on a vu un peu ce qui a déclenché votre adhésion en fait, mais vous êtes tous des militants actifs. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes plus engagé, que vous n'êtes pas resté simple adhérent, mais que vous vous êtes engagé dans différentes actions et différents collectifs. Je sais pas, peut-être Francine. Eh bien, moi, quand j'ai adhéré au National, je pensais rester adhérente, point. Et j'ai été contactée par quelqu'un du groupe naissant de Dunkerque. Qui m'a demandé de venir voir. Alors j'ai dit, pourquoi pas. Et puis j'ai mis le doigt et la main et le reste. Voilà. Et donc, c'est une association, on s'est déclaré très vite en association, qui a beaucoup grossi, puisqu'on nous avons atteint 80 membres en très peu de temps. Sur Dunkerque. Et puis, après, il y a des membres qui sont partis, atteints par la limite d'âge ou la fatigue. Et si bien que ça a été repris par Sylvie Benoîchieux à l'époque. Et on a émigré sur Grande-Synthe, parce que Dunkerque ne nous aidait pas beaucoup, tandis que Grande-Synthe était beaucoup plus généreux, mais on a beaucoup travaillé à Grande-Synthe. Et donc, on a continué à lutter contre... les objectifs qui nous avaient plu au départ, et donc et on faisait des réunions fréquentes, et on verra tout à l'heure, peut-être on pourra y revenir. Entendu. André? Oui, tu veux répéter la question? Oui, donc on a vu ce qui t'avait amené à devenir adhérent, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, d'une manière, à militer en fait, donc à t'engager dans des actions, à devenir actif, militant actif? ATTAC France s'est engagé sur de plus en plus de sujets, mais il le fallait, c'était important. Alors c'est comme satisfaisant personnellement, je pense, d'être informé de pas mal de choses qui malheureusement il y a trop peu de gens connaissent. Et puis moi ça me donnait envie d'en parler à d'autres, de faire connaître plus ou moins ce que je savais. ATTAC, association d'éducation populaire, donc on organisait des débats. Alors, il s'est passé énormément d'événements, actualités. Il y a eu le référendum en 2005. Il y a eu différents collectifs qu'on essayait de faire sur Roubaix-Tourcoing, mais d'autres comités locaux l'ont fait. Ça s'est fait au niveau national. ATTAC joue un rôle de coordinateur dans ces cas-là, et c'est quand même fort intéressant. De mettre en contact des militants d'autres organisations qui, sans ça, ça serait peut-être pas vu. Alors plus récemment, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est extrêmement important. On parle de 60 à 80 milliards, mais notre ami Jean Gadret fait une étude. Pour lui, l'évasion fiscale, c'est beaucoup plus que ça. Alors, il estime effectivement à 300 oui. milliards maintenant. C'est dans terrible. Son blog de samedi, il y a 15 jours, je crois, de mémoire. Enfin, c'est le samedi donc 16 juin. Il y a eu la contestation de l'attaque et de beaucoup d'autres organisations par rapport à la COP21. C'est quand même aussi un événement très important. En effet, oui, on a milité pas mal là-dessus. Benjamin, alors, même question. Pour mon adhésion, d'abord, ce qui m'a donné envie de devenir adhérent à TAC, c'était le fait qu'ici, à Villeneuve-d'Ascq, il y avait les assises pour discuter des stratégies, des orientations d'ATTAC. Oui, alors c'était... en janvier, c'était ici même à Villeneuve-d'Ascq en janvier 2016. Oui. Et ça m'avait vraiment intéressé de voir qu'une association permettait à tous ses adhérents de venir prendre part activement à l'élaboration de la stratégie de l'association. C'était une forme de vraie démocratie comme devraient être les États, normalement. C'est ça qui m'a donné envie de venir et de devenir adhérent à TAC. Et pour mon engagement, plus précisément, c'est les actions. Donc à l'époque... il y avait les actions de faucheurs de chaises, donc c'était les actions non violentes qui permettaient de dénoncer les fraudeurs fiscaux de façon un peu ludique, sans violence, sans bris, sans heurts. Et on voit que finalement derrière, là, il y a eu le procès de Nicole Briand le mois dernier, enfin ce mois-ci, c'était encore en juin, donc on est encore en juin. Oui, oui. Et on voit que ça a permis de bien médiatiser et de mettre en lumière la fraude fiscale et de montrer qui sont les vrais fraudeurs, qui malheureusement ne passent pas assez devant les tribunaux. En effet, c'est effectivement la façon dont ça fonctionne actuellement. Et Nicole Briand a été quand même relaxée, faut le savoir, et on l'a fait savoir, pas du mal à attaque. Quentin. Moi, dès le début, j'avais envie d'être actif. J'avais rejoint l'association pour essayer de faire pas mal de choses. Et ce que je trouvais intéressant, c'est tout le côté à la fois éducation populaire et à la fois information. De faire comprendre aux gens à la fois quels sont les problèmes et à la fois leur montrer qu'on est capable de faire des choses. Donc les faucheurs de chaises, c'est un très bon exemple. Et donc du coup, on essaie de monter des projets comme ça, on essaie d'exploiter Internet, d'exploiter les réseaux sociaux pour essayer de faire passer le message et de faire se rendre compte aux gens qu'ils ont encore une influence, un impact, sont encore capables de faire changer les choses. Oui, alors les deux que vous venez d'entendre sont des gens précieux pour nous les plus âgés, dans la mesure où tout ce qui est Facebook, blog et autres, on a quelques mal, la difficulté à gérer tout ça correctement. Et puis, welcome à ces jeunes qui sont d'abord de bons militants, ça c'est sûr, actifs et qui ont envie de faire des choses et qui nous bousculent, et c'est très bien comme ça. René, peut-être une question. Attends, je vais quand même dire un mot sur, puisque je l'ai pris, il n'y a pas de raison, sur le fameux article de décembre 1997, désarmer les marchés financiers d'Ignacio Ramonet. Rassurez-vous, je ne vais pas le dire en entier, mais je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler quelques termes. Ça commence comme ça, donc, article d'Ignacio Ramonet dans le monde diplomatique de décembre 1997, qui va déclencher, on va le voir, effectivement, la création d'ATTAC. Et ça commence comme ça, le typhon sur les bourses d'Asie menace le reste du monde, la mondialisation du capital financier est en train de mettre les peuples en état d'insécurité généralisée, elle contourne et rabaisse les nations et leurs États en tant que lieu pertinent de l'exercice de la démocratie et garant du bien commun. Et il y a cette idée intéressante que je trouve, la mondialisation financière a créé son propre État. Voilà une chose. René, tu voulais dire quelque chose? Oui, on peut peut-être rappeler que cette période 97-98, on traversait là encore, moins grave peut-être que celle de 2008, mais on était en pleine crise financière. C'est la crise appelée crise asiatique d'ailleurs. Oui, ben c'est ce que je disais. Ouais. Et avec cet aspect, c'est déjà un grand moment, c'est l'époque de l'ouverture du capital. Des banques. C'est-à-dire que les banques vont ouvrir leur capital, et les États d'ailleurs aussi, vont ouvrir leur capital, et il va y avoir trop, en fait, de capital disponible pour la taille des États asiatiques, en l'occurrence. Et c'est le démarrage d'une grande période de... d'ouverture du capital et de libéralisation du capital. Et j'avais noté dans l'article, quotidiennement, je reprends l'article, hein, quotidiennement, 1500 milliards de dollars font de multiples allers-retours, donc par jour, 1500 milliards. J'ai pris quelques notes ce matin. En 2010, c'était 4000 milliards. En 2013, 5300 milliards. Et en 2016, un peu moins, 5100 milliards. De transactions financières par jour. Voilà. Pour donner une idée, c'est 2200 milliards, c'est le PIB de notre pays. On continue, René ? Ah non, je vais quand même dire oui, un mot. Si, j'avais une chose à dire. Création de... Voilà. Merci, René. Donc, l'article finit de cette façon. Pourquoi ne pas créer, à l'échelle planétaire, l'organisation non gouvernementale Action pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens ? Attaque, en liaison avec les syndicats et les associations à finalité culturelle, sociale ou écologique, elle pourrait agir comme un formidable groupe de pression civique auprès du gouvernement pour les pousser à réclamer enfin la mise en œuvre effective de cet impôt mondial de solidarité. Voilà, donc rappel, effectivement, ce n'est pas tout à fait les taxations financières, c'était les taxations sur les devises seulement, voire la taxe Tobin, qui s'est rétracté d'ailleurs après, si j'ai de bonnes mémoires. Oui, oui. Hein, et nous, maintenant, c'est les taxations financières, parce que le volume de transactions financières par jour, je viens de le dire, est absolument monstrueux. Et on aimerait qu'une taxation vienne en secours des pays du tiers-monde, par exemple, problèmes de transition écologique dans nos pays. Finance la transition écologique aussi, permettre de réduire les inégalités par un financement du social. Et oui, André ? Très rapidement, je pense que ces 5 milliards par jour, il doit y avoir dans les 98% qui sont de la spéculation. Oui, 5 000 milliards par jour. 5 000 milliards par jour, c'est je pense à 98% environ de la spéculation. C'est ça, oui, c'est à peu près 2% pour les investissements réels. René. Oui, eh bien, puisqu'on parlait justement là, tout à l'heure de votre engagement, quelle est votre activité actuellement au sein de votre comité local ? Alors peut-être Francine déjà ? Eh bien, nous actuellement, mais André en a déjà parlé, nous luttons beaucoup contre l'évasion fiscale. Oui. Et bon, nous essayons de faire des manifestations. Les trois comités de l'agglomération lilloise, ensemble, pour lutter contre cette évasion qui est insupportable. Oui. Parce que pour s'attaquer aussi aux multinationales qui sont des prédateurs, on peut dire. Oui, c'est bien, ça, prédateurs, c'est bien le terme. Oui. Et vraiment, ça, c'est insupportable. Et pour en revenir à la taxe dite Tobin à l'époque, c'est d'autant plus insupportable que ça n'ait pas été mis effectivement en route, que c'était vraiment minime. C'était 0,01%. C'est ça, oui. Alors, quand même. Mais donc, ce qui veut dire que les multinationales, les grandes de ce monde, sont vraiment très puissants. Hein, et qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Oui, on a aussi... Il faut reconnaître qu'on a du mal à se faire entendre auprès du public. Oui. Je voulais dire aussi, mais tu es aussi engagé, tout comme André, Benjamin, je crois, dans des collectifs, puisque nos comités locaux fédèrent d'autres mouvements ou organisations pour créer des collectifs, notamment le collectif Stop TAFTA et CETA, tu prends une part active aussi, je crois. Tout à fait. Il se réunit tous les mois à peu près sur l'île. Et nous avons, c'est vrai, nous prenons une part importante. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup intéressée, parce que je pense que c'est très grave que si ces traités sont mis en... Enfin, le CETA est déjà en route, mais il n'est pas ratifié. Voté, bon, oui. Mais si vraiment c'est mis effectivement en route, ce sera très grave pour l'agriculture et tout, quoi, pour toutes les personnes, les citoyens en général. Donc je crois qu'il faut beaucoup lutter contre ça. C'est vraiment actuellement peut-être le combat. Le plus important, c'est peut-être trop dire, parce qu'il y en a d'autres, oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est ça. L'évasion fiscale, c'est sûr que c'est un grand combat aussi. Et donc, oui, mais nous, on a créé aussi un collectif, enfin, je ne suis pas à l'initiative de la création, mais un collectif santé, par exemple, sur Roubaix. Sur Roubaix-Tourcoing, oui. Auquel participe, mais... André, et, Benjamin. Oui, voilà. Aussi. Bon. Oui, alors, pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais dire. Mais André va nous dire plus. Qu'est-ce qui est dans le collectif, donc, sur le collectif santé à Roubaix-Tourcoing ? Pour le moment, on a quelques militants politiques ou syndicaux, mais ils viennent à titre personnel. Ah. C'est vraiment un collectif qui est tout à ses débuts. Mmh. On a déjà passé deux fois le film La Sociale pour faire un ciné-débat là-dessus. Alors ce film plaît, il plaît à ceux qui l'ont vu. On espère pouvoir le faire passer dans certains collèges ou lycées à Roubaix, mais il faut encore s'entendre avec des établissements pour le faire. Et... on a l'idée d'un réaliser un grand débat public à Roubaix, probablement en octobre ou novembre, avec un intervenant national sur le problème de la Sécu, particulièrement des retraites. D'accord. Donc... par ailleurs, je rejoins complètement ce que dit l'importance qu'a dit Francine par rapport au traité de libre-échange auquel il faut vraiment s'opposer, continuer à s'opposer. Et si peut-être pouvez-vous nous citer un peu les différentes actions qu'ont menées dans le cadre de cette lutte contre les traités de libre-échange. Je sais que ça n'a pas été facile. Par exemple, essayer de demander des rendez-vous d'essayer de convaincre les députés et sénateurs n'est pas chose facile. Je sais pas, André a eu plusieurs expériences. Ah oui, j'ai envoyé des courriers à argumenter et motiver. Bon, on n'a pas eu de réponse. Notre ami Alain avait une réponse, comme c'était pas satisfaisant, la réponse d'un député qui était à l'époque PS et qui est passé en marche depuis. Je lui avais écrit, elle n'a jamais répondu. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, ça arrive assez souvent. Quentin ou Benjamin, sur ces questions-là d'activité, ben vous êtes tous les trois de Roubaix-Tourcoing, j'ai oublié de dire, hein, André, Francine et Benjamin. Oui. On aurait aimé avoir des gens de Villeneuve-d'Ascq, mais on les a pas vus, et les autres sont les Lillois. Quentin, peut-être Sur les actions, moi, j'ai repris la page Facebook d'Attaque Lille, que j'essaie... d'animer, de proposer du contenu, de répondre aux questions. Ça nous sert aussi de point de contact pour les personnes qui souhaitent contacter Attaque. C'est une alternative au mail, c'est trouvable assez facilement. Et aussi de coordonner les événements, de coordonner les réunions, les manifestations, de faire des annonces en fait. Mm-hmm. C'est un peu la fonction de la page Facebook. À côté de ça, on est en train de monter un petit projet. On voudrait faire de l'information via vidéo sur Internet. Donc on a encore un peu à voir sur le format, la façon dont on veut que ça s'articule. Mais il y a déjà eu des exemples qui ont été faits par Attaque et par d'autres associations. Et on peut, via l'humour, via la démonstration, sur des petits formats, arriver à faire passer des infos, arriver à présenter des problématiques que les gens n'ont pas forcément en tête et dont on ne parle pas tous les jours aux 20h. Quoi. En effet, pas tous les jours aux 20h, ça c'est juste. Benjamin, peut-être. Je me permettrai d'abord de compléter ce que disait Francine pour le CETA. Donc, il est en application provisoire, et donc partiellement, ce qui concerne les tribunaux arbitraux, donc la justice privée n'est pas encore en application. Cela doit attendre la validation des parlements nationaux. Par contre, le reste, la globalité hormis ces tribunaux arbitraux, est déjà en application provisoire sans la ratification de nos parlements nationaux. Et cela montre quand même la mascarade démocratique qu'est l'Union européenne, puisqu'on met en application des lois sans que les parlements nationaux n'aient besoin de se prononcer dessus. Maintenant, par rapport à mon engagement, je participe activement à la vie locale de mon comité local et aussi des comités locaux de l'agglomération. Je participe aussi au Conseil national des comités locaux, qui est un événement important. Il y en a 3 sur l'année de mémoire. Conférence nationale des comités locaux, excuse-moi. Non, je t'en prie. Et donc, qui est quand même ce qui sont des temps forts pour notre association, ça nous permet de voir les différentes comités locaux de toute la France, par des assises, de se remettre au point par rapport aux différentes stratégies qu'on adopte localement, et aussi d'avoir des moments d'échange, d'explication sur ce qui se passe localement. Donc ça permet de se ressourcer aussi sur d'autres approches qu'on n'aurait pas forcément vues ou qui ne sont pas forcément présents sur nos territoires. Je participe aussi à l'université d'été. Enfin, je suis allé l'année dernière et je vais y aller cette année. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes, tous les auditeurs à venir à Grenoble. Donc, c'est du 22 de mémoire au 26 août à prendre part à cette université d'été qui est un temps fort important pour se former. C'est même les personnes qui n'ont pas d'initiation, qui ont un bagage politique faible, peuvent venir. C'est très accessible. Ça permet de croiser des associations, des acteurs de toute l'Europe. Vraiment, je vous invite à venir à ce temps fort. Voilà, une bonne publicité. Donc, René, tu n'as plus besoin de le dire, mais c'est dit. Ça faisait partie du programme de René. Mais il va quand même ajouter quelque chose, parce que c'est René la science qui n'a rien à faire. Oui, on peut ajouter qu'en plus de l'université d'été, donc à Grenoble du 22-26 août, il y a aussi l'Alter Village qui se déroulera du 10 au 14 juillet à Terre-Blanque. Donc, c'est sur la commune de Saint-Lys, en Haute-Garonne, et c'est au sud de Toulouse, où on expérimente un peu des formes de vie quotidienne alternative. Voilà. Alors, un mot aussi sur nos associations, sur nos comités locaux. J'ai regardé un peu dans les archives, alors peut-être qu'André va nous en savoir plus. Attaque-Lille a été créée en 2000, en fait. J'ai regardé ce qui est le plus ancien, donc le dépôt à la préfecture de Lille de l'association du comité local date de 2000. Alors peut-être qu'avant il existait de façon informelle, mais l'association a été déposée donc en 2000 par, je crois, c'est Florian Denimal, je crois, de mémoire. C'est ça, André? Oui, Florian, oui, je me souviens, mais il me semble qu'à l'époque, le groupe s'appelait pas Attaque Lille, mais Attaque Nord. Ah, je ne sais pas, mais tu me le dis, moi, très bien. Attaque Nord, ouais. Et ça a évolué ensuite, puisque plusieurs comités locaux sont formés dans le Nord. Donc mais je ne sais pas exactement, je ne peux pas te dire la date exacte de départ d'Attaque Lille, je ne sais pas. Alors donc, moi je peux dire, d'Attaque Lille, les statuts ont été déposés en préfecture en 2000, je ne sais plus si j'ai la date exacte, si le 28 avril 2000, et on avait des gens bien à Attaque, hein. Il y avait Marie-Christine Blandin quand même, qui était ex-présidente du conseil régional et porteuse des Verts à l'époque, ça ne s'appelait pas encore ELV. Il y avait évidemment des syndicats, il y avait Sud, Dunkerque, il y avait le maire, la mairie d'Aulnois, donc c'est bien Attaque, t'as raison André, c'était bien Attaque Nord, ça, pour le coup. Et puis, forcément, Attaque Lille, les deux plus célèbres, sont nos deux récents députés, René. En quelle année, donc? Oui, je crois que c'était en 2012-2013, où on a eu Adrien Catanin et Hugo Bernalici. À les mêmes dates, en même temps? Je me rappelle, Adrien, ça devait plutôt être 2012 et Hugo 2013. Mais c'est dans ces années-là, si je me rappelle bien. D'accord. Donc ça, là, par contre, c'est pas du chauvinisme, hein, mais c'est plutôt Attaque Lille, en effet, qui était où se trouvaient nos deux nouveaux députés. de la France insoumise, faut-il le rappeler ? René, encore quelques questions, donc. Oui, ah, peut-être, pour revenir un peu sur, sur la, au niveau local. Donc, il y a eu Attaque Nord, ensuite a dû se créer Attaque Lille, et au début, il y avait Villeneuve-d'Ascq, et ensuite, ça s'est redivisé en Villeneuve-d'Ascq et Roubaix-Tourcoing, où je crois il y a eu. Donc, ce qui fait qu'il y a maintenant 3 comités locaux sur la métropole. André. Attaque Roubaix-Tourcoing a commencé en fin d'année 2000. On l'a créé officiellement l'année suivante. J'ai plus la date en tête, en 2001. Donc, c'est Villeneuve-d'Ascq qui s'est créé un peu après, parce que vous êtes partagé un peu le territoire, entre guillemets, enfin les communes. Oui, probablement, oui. Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. On s'est partagé les communes, oui. Parce que moi, je vous ai rencontré, puisque j'étais sur le littoral à l'époque, je vous ai rencontré Attaque Roubaix-Tourcoing et Attaque Villeneuve-d'Ascq lorsque nous sommes allés à Paris au moment pour s'opposer au traité européen en 2005. D'accord. Alors, nous sommes rencontrés là-bas, je me souviens. Alors, effectivement, donc, j'oubliais quelque chose. J'oubliais quand même dans les gens un peu importants d'Attaque, il y a quand même notre ami Jean Gadret, qui est le plus ancien de tous les anciens, là, de ce que je vais citer des amis, puisqu'il est dans, il a dû adhérer, contrairement à ce qu'il disait la fois dernière. Il dit, il n'a pas adhéré tout de suite, mais quand même, il a adhéré sans doute très vite, avant vous en tout cas, puisqu'il est dans les numéros 3000 avec Nicole Gadret, bien entendu. Voilà, ça fait quand même partie des gens importants de notre d'Attaque en général d'ailleurs, mais aussi forcément de notre activité d'Attaque. On repose des questions, René ? Vas-y. Oui, peut-être pour Francine et André. Quels sont les grands événements au cours donc de toutes ces années d'adhésion ? Quels sont les grands événements donc portés par Attaque qui vous ont le plus marqué ? Bon, on se doute qu'il y a la lutte contre le traité constitutionnel de 2005. Moi, j'étais encore à Grande-Synthe. Oui. C'est ce qui nous a beaucoup motivés, le traité. Et on a fait beaucoup d'éducation populaire à ce moment-là, autour de ce traité. On a formé la population. Oui. On tenait, je me souviens, moi je tenais des certaines matinées. On avait... pour informer les gens, quoi. Et puis alors, on a fait beaucoup de publicité, on a beaucoup collé d'affiches, on a été très dynamique à l'époque. Nous avions un militant très sympa qui faisait qui créait des petites chansons, et ça, on a fait venir beaucoup de gens, et on a beaucoup informé, à l'époque. Ça a été le temps très fort de nos actions, hein. Plus l'éducation populaire qui a été qui a toujours existé. Hein. Bien sûr. Même chose pour André, peut-être. Le même moment fort, cette campagne contre le traité constitutionnel. Oui, absolument. Oui. Ah, oui. On collait beaucoup d'affiches, distribuait des tracts, fait pas mal de débats. Oui, c'était une époque où je trouvais que beaucoup de gens étaient contents de prendre nos tracts et de nous voir. On était pour le non, alors que les médias étaient très fortement pour le oui. Oui, en effet, oui, ça c'est tout à fait juste. Et je peux expliquer notre expérience qu'on a eue avec... À Lille aussi. André, je pense qu'il nous a parfois rejoint pour tracter, peut-être. C'est bien possible, oui. Au marché d'Oisem, non? Non. Nous, on a eu une attitude donc avec René et puis les quelques autres qui étaient là, parce qu'on n'était pas fort nombreux quand même, mais ça, on le déplore tous. Ce que nous avions fait, c'est qu'on s'était vu l'épaisseur du traité quand même. Hein. C'était quand même un très très gros pavé à lire, hein, qui était publié par l'UMA, qui était publié, etc. On s'était partagé les thèmes, en fait. Entre eux, les thèmes qui nous semblaient intéressants, quoi. Enfin, bon. Et le travail d'éducation populaire qu'on a pu faire, c'était chacun. On avait fait un compte à rebours Donc le compte à rebours, un rétro-planning à partir de la date du référendum. Et on a commencé en janvier, je crois. Hein. Oui, et chaque, on a fait beaucoup plus de réunions que d'habitude. Oui. Hein, beaucoup plus qu'une fois par mois, pour tout dire. Et on avait chacun un thème. Et celui qui avait un thème était chargé de faire un tract et de le présenter aux autres. Et de ce tract, qui était généralement une page 29-7, là, une page A4, eh bien, il devait le faire en A5. Donc, on devait choisir les termes qui nous semblaient les plus pertinents. Et donc, chacun devait échanger avec les autres son thème, le thème qu'il avait choisi. Donc, on essayait de balayer une grande partie. Et donc, le dimanche, le tract étant fait en format A5, on allait le distribuer dans les marchés, en particulier, évidemment, au marché d'Oisem. Il aurait pu en faire d'autres. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on avait fait notre éducation populaire, s'obliger de lire le traité, s'obliger de le comprendre, s'obliger de le critiquer, et s'obliger d'écrire la critique qu'on faisait, et lui distribuer les tracts et le défendre sur le marché. Donc c'était un travail qu'on avait fait avec peu de monde quand même. Avec, oui, à l'époque, il y avait Violaine de Barge et... Il y avait Pierreuse, le regretté Pierre, et puis et Daniel. Daniel qui s'occupait des choses militaires, lui. Oui. Yvette aussi, je me rappelle. Et oui, je voulais dire quelque chose. Oui, on parlait de la complexité du traité. C'était plus de 400 articles. Oui, c'était quelque chose comme ça. Oui, enfin, quelque chose, enfin, des articles qui n'avaient rien à voir avec un traité. Avec une constitution. Donc, si j'ai compris pour vous, Benjamin, et pour vous, et Quentin, l'événement fort pour toi, c'était la COP21 ou le... Non, c'est ce qui m'a permis de prendre connaissance des militants d'attaque. Après, c'était les assises alors ou la CNCL. Ça m'a permis d'adhérer, c'est ce qui m'a fait donner envie d'adhérer à attaque. Après, pour moi, un événement vraiment marquant dans ma vie de militant au sein d'attaque, c'était, il y en a eu plusieurs, des événements très très importants et très plaisants, mais un événement particulièrement savoureux pour moi, c'était lors du safari fiscal qui a été organisé au Luxembourg. C'était donc une excursion qui était organisée lors du procès en appel des lanceurs d'alerte Antoine Deltour, Raphaël Allais et du journaliste Édouard Perrin, qui ont rendu possible les révélations des LuxLeaks. Sous la forme d'une visite guidée, nous avons découvert les hauts lieux de la fraude fiscale du pays de Juncker, voir tous ces hommes, et ces femmes qui donnent vie à l'évasion fiscale derrière leur cage de verre permet de mettre un visage sur le grand banditisme en col blanc. Et devant les bureaux d'EDF, la Société Générale, PricewaterhouseCoopers, notre guide, muni d'un mégaphone, nous expliquait les montages financiers et les sommes substituées à la collectivité de ces différentes multinationales. Et pendant que notre guide donc, nous expliquait ces montages frauduleux, on voyait s'agglutiner ce personnel de la fraude fiscale, ces petites mains de la fraude fiscale, sur leurs fenêtres pendant que les agents de sécurité s'empressaient de barricader les lieux pour pas qu'on pénètre dans les bâtiments. Et c'était assez plaisant de voir que finalement, une petite poignée de militants, on était quand même pas très nombreux, on était une vingtaine, je pense, on avait fait différents... On était répartis par groupe de 20, plus ou moins, il y en avait plusieurs parcours. Et de voir que si peu de personnes, finalement... peuvent pendant quelques instants déstabiliser des grosses multinationales ou même après quand on a vu avec les actions sur la BNP que du coup quand on annonçait des actions sur la BNP que la BNP fermait ses agences pendant le samedi, quand on voit que si peu de militants peuvent permettre des vacillements sur ces multinationales, on voit que les alternatives sont possibles et que bien sûr d'autres mondes sont possibles et que le monde qu'on nous dit comme étant sans alternative n'est pas sans alternative. Il dépend que de nous et de ceux qui nous écoutent à venir nous rejoindre, à venir grossir les rangs. Si on veut changer le monde, cela ne dépend que de nous. Et il ne faut pas écouter ceux qui nous disent que le monde est comme ça et qu'on ne peut rien y faire. Voilà. On voit par des actions comme ça que c'est déjà possible. Voilà un discours véritablement militant, largement approuvé par Francine. Tout à fait. René. Oui, on peut dire que les décisions économiques que prennent nos décideurs sont souvent des décisions idéologiques, en fait. Mmh. Oui, d'ailleurs, j'ai encore sous les yeux l'article de 97. Là, il parle, Ignacio Ramonet parle d'État mondial. Et il parle d'État mondial qui est un pouvoir sans société, ce rôle étant tenu par les marchés financiers et les entreprises géantes dont il est le mandataire, avec comme conséquence que les sociétés réellement existantes, les nôtres donc, elles sont des sociétés sans pouvoir et cela ne cesse de s'aggraver. Quentin, un mot peut-être sur un événement, mais tu as le droit de ne pas en avoir vraiment. si, en fait... moi, je dirais que le basculement, c'était les élections. Alors, ça remonte en 2015, les élections régionales dans le nord de la France, où on a eu au deuxième tour la droite contre le FN. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, c'est facile d'être sur le bord de la route et d'être cynique et de regarder depuis le hublot, mais il y a peut-être quelque chose à voir, à faire et à comprendre. Et donc du coup, moi, ça m'a pris un certain temps de dégager les choses qui me semblaient problématiques et intéressantes, et notamment voilà sur toutes les questions d'évasion fiscale et comment dire, de remise en cause du pouvoir financier. Ce qui était agréable aussi de découvrir en arrivant à TAC, c'est qu'aussi il y a d'autres choses qui font partie de l'association, les problématiques écologiques, les problématiques sociales, locales, l'eau, qui a été un des sujets qui a été traité à Lille. Et aussi la démocratie, donc commission démocratie, avec qui j'ai déjà pu échanger quelques fois, et où il y a du bon travail de fait. Et bah, c'est vrai que moi, ça fait 6 mois que je suis là, mais déjà, l'écho des actions contre-attaque qui ont été faites en fin d'année dernière, contre Apple, pardon, qui ont été faites l'année dernière, et la petite visite qu'on a fait à la BNP par rapport à l'action qu'elle avait fait contre Nicole... C'est déjà des événements et c'est déjà des choses qui montrent que l'association est active et qu'on peut s'y investir et faire des choses. On peut aussi rappeler nos deux derniers événements, enfin les plus récents. Donc contre Apple, c'était le 2 décembre 2017, où on avait une bonne équipe bien organisée. Et fin janvier, donc pour le premier procès de Nicole Briand, où nous avons largement décoré les façades de la BNP. Je pense que ça vous a laissé à tous quelques souvenirs. Oui, vous avez été particulièrement actif. Oui, là, on avait fait assez fort. Faudra le refaire. Oui, la décoration alors des vitrines des banques, c'est quelque Apple, chose qui est toujours à l'ordre du jour. En particulier, on a toujours un appel maintenant, une sorte de désobéissance civile, soft quand même. Hein, nous menons des actions qui ne sont sans violentes et d'ailleurs la justice l'a reconnu largement à propos du procès d'Apple. Un nom peut-être donné pour confirmer. D'Apple et aussi de Nicole Briand, les deux d'ailleurs. Qui bon, Apple a été débouté et la BNP aussi et Nicole Briand a été acquittée. Voilà, alors on va revenir à des questions fort importantes. Maintenant, on va parler un peu d'avenir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore à TAC? Je ne pose pas la question à Quentin, mais plutôt à Francine et plutôt à André. Eh bien, parce que tous les combats que nous avons envisagés il y a bien longtemps, ils sont toujours à mener. Ils sont toujours d'actualité. Et malheureusement, je regrette qu'on n'ait pas pu obtenir les taxations sur les transactions financières et plein d'autres et l'anéantissement des multinationales. Je suis présomptueuse, hein. Mais bon, je pense qu'il y a encore des combats à mener au plan écologique. Oui. La transition, c'est ce que j'ai aimé dans l'évolution d'ATTAC, c'est qu'il s'est ouvert à beaucoup de sujets. À la dimension écologique. Quand j'ai adhéré, c'était les finances, point. Oui. Mais maintenant, bon, il y a tellement de combats à mener que. Et donc, je crois qu'il faut qu'on participe. Et je pense qu'ATTAC peut être à mon sens, un contre-pouvoir indispensable. Eh bien, tu confirmes ce que nous disait Denis Siffert lorsqu'il était venu parler de Politis au mois de, je ne sais plus, au mois de novembre-décembre, oui, je crois. Oui. Effectivement, il trouvait que Attaque est un contre-pouvoir important. Jean Gadret, qui nous avait laissé un mot, nous disait que pour lui, Attaque, c'est à la fois un creuset de réflexion et d'analyse à partager sur la critique de l'ordre existant et sur des propositions pour un autre monde possible, et avec un grand nombre de brochures et de bouquins instructifs bien faits. Et c'est sa mission d'éducation participative qui est très internationale. Alors c'est un mot qu'on n'a pas encore dit encore, l'internationalisation d'Attaque. Oui. Par contre, Benjamin l'évoquait en parlant de Luxembourg. Effectivement, Attaque est présente dans une trentaine de pays, et dont le groupe le plus important est l'Attaque Allemagne. Oui. André, sur la question pourquoi tu es toujours à Attaque et pourquoi on a eu le plaisir. Alors tu m'as dit que tu n'aurais pas été capable de répondre à cette question, c'est pour ça que je te la repose. C'est pas cette question. Non, bon, cette question-là, ça va. Ça va. Oui. Et ben, malheureusement, plus les années passent, plus je vois que notre combat est nécessaire parce qu'on a affaire à des gouvernements qui sont sourds, qui veulent absolument appliquer leurs principes à eux, leur idéologie à eux. Eux qui nous reprochent, soi-disant, c'est idéologique. Je pense que le néolibéralisme est d'abord une idéologie. Bien sûr. Et qu'ils veulent appliquer, ces gens-là veulent appliquer à fond, malgré tous les déboires, malgré les échecs qu'ils ont eu, enfin échecs, façon de parler, pour l'impression que si les riches s'enrichissent, les plus riches s'enrichissent, c'est très bien. Mmh. Nous, en Attaque, on participe avec d'autres un combat pour qu'il y ait plus de solidarité entre les gens en France et dans le monde. Ces gens-là, ils prêchent pour l'individualisme. M'excuse, mais ce qu'ils font, la spéculation, c'est vraiment pas quelque chose d'intelligent. Ça a poussé à la ruine, ça a amené à la ruine de pas mal d'entreprises et pas mal de pays. C'est certainement pas du côté des multinationales qu'il faut trouver de l'espoir. Benjamin, peut-être. Comment dire ? Ce qui me conforte, moi, dans l'action et dans l'engagement Attaque, c'est que l'on voit lorsque on a des procès, comme là, donc il y avait Nicole Briand qui passait en procès à Carpentras, qui a été donc relaxée. On voit que la justice, quand c'est une justice d'État, elle nous donne raison dans notre engagement. Il y avait eu également en janvier l'appel en référé, le procès en référé de Apple qui avait essayé de museler notre association contre les actions qu'on menait pour dénoncer la fraude fiscale organisée par Apple. Et là, la justice nous a donné gain de cause en disant qu'on travaillait dans l'intérêt général. Donc on voit bien que lorsqu'on passe par la justice d'État, la justice reconnaît notre travail d'intérêt général. Et là, je permets aussi donc, du coup, de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur les tribunaux arbitraux. Lorsque le CETA sera ratifié, si on passe devant des tribunaux arbitraux, donc une justice privée, des cours privées, il sera beaucoup plus difficile pour nous d'obtenir gain de cause parce que ce ne sera pas des cours de justice neutres, ce sera des cours de justice aux mains de multinationales, aux mains d'hommes d'affaires. En effet, ben je reviens encore sur l'article 2 d'Ignacio Ramonet qui est vraiment fondateur. La mondialisation financière a créé son propre État. Avec ses propres règles. Avec ses propres règles et sa propre justice. Quant à un mot, peut-être. Je voulais dire, justement, quand on revient à l'action des faucheurs de chaises, un des outils qu'on a, nous, en tant qu'association, et assez globalement, c'est de mettre ces multinationales, ces grandes sociétés, face à des problèmes sans solution. Parce qu'ils savent qu'ils sont en partie dans l'illégalité ou dans des zones très sombres. Et par la désobéissance civile, on les force soit à accepter le fait qu'on puisse faucher des chaises dans des agences pour faire une représentation d'évasion fiscale, soit à tenter de nous réprimer, mais en sachant qu'ils ont le risque potentiel de se faire débouter par la justice et d'avoir du coup une double mauvaise publicité. Et donc je pense que c'est ça l'un des outils dont on peut beaucoup servir à Attaque en tant qu'association. Alors quand je dis beaucoup servir, c'est pas non plus à faire tous les quatre matins, mais ça fait partie de cet élément de contre-pouvoir dont on dispose ici à Attaque. C'est tout à fait, effectivement, c'est un aspect fort important. Alors, je reviens, puisque tu as parlé du Luxembourg aussi, Benjamin, je rappelle que la justice luxembourgeoise a condamné les lanceurs d'alerte, oui, tout en disant que leur travail sur la révélation était d'utilité publique. On est quand même dans des choses assez étonnantes. On reconnaît le bon travail des journalistes, mais on les condamne quand même, parce qu'on ne peut pas faire autrement, manifestement. C'est quand même un problème. René, peut-être, non ? Si ? Une question ? Ah oui, peut-être une question, peut-être un peu pour conclure, si... Oh, on ne va pas conclure, si. Oui. Ah bah si, on peut-être, mais oui, vas-y, toujours. qu'est-ce qu'il faudrait, enfin, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à ATTAC ? Et qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, peut-être pour Francine et André, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui viennent d'adhérer ? Ah ! Bonne question. Ben, je dirais qu'il faut qu'ils soient présents et qu'ils nous épaulent, nous, déjà les gens plus âgés. Qu'ils soient actifs. Qu'ils soient actifs, qu'ils viennent aux réunions. Et parce que c'est quand nous, si nous sommes très nombreux que nous pourrons gagner et créer une autre société. Espérons-le. C'est plein d'espoir. André, alors, que dis-tu? Pour l'avenir, il faudrait peut-être justement faire un débat, commencer peut-être en groupe 3 attaques. Quel avenir nous voyons? Comment développer attaque? Comment améliorer attaque? Oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter. Vis-à-vis des jeunes, je pense pas avoir quelque chose à dire spécial à des jeunes militants, parce qu'ils ont déjà compris beaucoup de choses. Quand les jeunes en général, je dirais, informez-vous, lisez beaucoup, et notamment des journaux qui ne sont pas d'accord avec les médias officiels. Et développez votre esprit critique, c'est très important. Alors, puisque vous voulez tous de l'action, tous et toutes de l'action, eh bien vous allez en avoir, puisque entre le 8 et le 15 septembre, il y a une action internationale qui va se mettre en place, vraiment internationale, mondiale, je crois que c'est une initiative américaine, Benjamin, tu... Ouais, hein. Et le thème en France, ce sera « Pas avec notre argent ». C'est-à-dire qu'on va critiquer les banques, exceptionnellement, c'est un peu nouveau, la Caisse des dépôts et consignations, qui semble financer des entreprises d'extraction, et peut-être en France d'ailleurs même. Et donc, il y a une semaine importante du 8 au 15 septembre, qui a été annoncée, je trouve un peu tard perso, mais c'était cette semaine mardi soir. Mardi, hein, oui. Un mot de plus, tu peut-être à dire non. Donc voilà, cette semaine d'action. Donc il va falloir se mobiliser, peut-être se réunir fin août ou au début septembre, les trois attaques, pour décider de l'action que nous avons menée. Ça a tellement bien marché avec la BNP qu'après Lille, on est parti à Roubaix, Tourcoing ou à Trelo. Jusqu'à Croix. Pour décorer la BNP. Mais là, il n'y a pas que la BNP, il y a d'autres sociétés, il y a même des entreprises dont on pourrait avoir tout à fait confiance, qui ne sont pas vraiment fréquentables, je pense, au Crédit Mutuel, ou y compris Banque Populaire Caisse d'Épargne, enfin, on ne sait pas. Que font ces banques avec le livret de développement durable? Est-ce que c'est consacré à ça? On peut en douter, etc., etc. On entend une chanson choisie évidemment par Florent. Les fins, les finaux qui dirigent la terre, la mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh bien, on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui était cadre et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé, qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé, mais pourquoi ils ont fermé l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qui arrive dans un patelin, Marcel, qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire, et qu'il y a des pays où les exclus vont bien, où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer, où le quart monde y mord la vie à belles dents. Comment ? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel y pète les plombs depuis qu'il a plus ses champs et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme. À poney chez Picrate, il fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau, tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares rangs du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient. Mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot ? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me grattent, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard. T'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne, là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes, qui bossent 12 heures par jour pour un dollar à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là, leur projet retour deux siècles en arrière, et pas qu'au Bangladesh, tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous, de minables salaires, mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambos. L'or me dit plus que demain, on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. Là qu'aujourd'hui, ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui était blanc, suisse, quoi, normal. Tout devient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Donc c'était Michel Buhler, mondialisation. Et donc je vais dire deux mots sur les rendez-vous ce week-end. Donc c'est l'arrivée à Lille de la marche solidaire pour les migrants et migrantes. En soutien donc à toutes les femmes et les hommes exilés contre le blocage des frontières. Pour un devenir hospitalier, donc ils sont partis de Seclin ce matin pour cette étape-là. Ils arrivent à 15h à la place de la République, aura prise de parole des organisateurs et organisatrices, auberge des migrants, et également prise de parole des exilés lillois et lilloises. Donc 15h30, départ de la marche, accompagné de sa fanfare jusqu'à la gare Lille-Flandre. 18h, ils passeront à la Bourse du Travail de FIV, où il y aura une table ronde et prise de parole des associations. Et 19h, débat autour du thème pour une nouvelle politique du commun. Puis 20h30, ça finira par une cantine à prix libre et la projection du film en direction obstinée et contraire, un portrait du chanteur et poète libertaire Fabrizio De André. Et demain, 1er juillet, auberge espagnole, un pique-nique à 11h30 au jardin Vauban et à 18h30, pot de l'amitié au bar Les Sarrasins à Oisem. Et si vous n'êtes pas sur l'île, il y aura l'impassage de la marche le mercredi 4 juillet. Donc ils partiront le matin à 9h de Steenwerk, ils passeront à Bayeul, Meteren, ils arriveront donc à Hazebrouck, où il y aura l'arrivée du cortège à la place Jeanne d'Arc, et des animations, soirées, spectacles, échanges et compagnie. Voilà. Il faut rappeler que la marche partait de Vintimille, en fait. Hein. Oui. Tu oublies de dire. Et pour s'arrêter où ? Ils vont jusque Calais et puis après ils vont à Londres. Et jusqu'après, ils vont à Londres. Bien, et bien, merci Francine, merci André, merci Benjamin, merci Quentin d'avoir bien voulu participer à cette émission, qui était un peu la nôtre, en fait. Hein. Et on va retrouver nos amis le 21 juillet, apparemment, Florence, ça marcherait. Oui, pour, tout à fait, ouais. Nous ne prenons pas de vacances comme les médias habituels, mais nous ne sommes pas un média habituel. Nous sommes un média associatif, première radio libre de France quand même, historique. Bon week-end à tous, prenez bien le soleil et participez à la marche, c'est nécessaire. À bientôt.